Chapitre 5. Lautrec en campagne. Depuis deux jours, malgré mes visites réitérées, je n'étais pas parvenu à trouver Lautrec chez lui. « Il n'est pas rentré chez lui, » me dit son groom. J'avais quelques craintes. N'avait-il pas été victime de l'ennemi mystérieux, de ce fameux cul de jatte qui se savait peut-être menacé par lui ? Je revenais de Montmartre et je passais boulevard de Sébastopol. Je me promenais en flâneur lorsque, soudain, je bondis de surprise. Devant moi, à mes pieds, venait de surgir, je vous le donne en mille, l'antidérapant lui-même. Je me dirigeais vers l'homme, avec la crainte qu'il ne s'évanouît à mon approche comme un fantôme. Mais il me laissait venir en me regardant ironiquement. « Quel cynique personnage » pensais-je. Je me penchai et j'empoignai énergiquement le cul de jatte par le bras. Je m'attendais à une résistance, il n'en fut rien. Il se laissait faire en souriant. Je cherchai des yeux un gardien de la paix. J'en aperçus un. Déjà, quelques personnes se retournaient. Désormais, je tenais l'homme et l'empêchais de fuir. Je resserrai mon étreinte et j'allais appeler le policier lorsque le cul de jatte me jeta à brûle-pourpoint. « Prenez donc garde, mon cher, vous allez ameuter les passants. » Alors seulement, je reconnus Lautrec sous son déguisement. Ce n'était certes pas sans raison qu'on l'avait surnommé le détective fantôme. Des passants s'étaient arrêtés et se groupaient autour de nous. « Oui, dit très haut mon ami pour tromper la galerie. Oui, c'est ainsi que tu me retrouves, mon vieux camarade, après 10 ans. J'ai perdu mes jambes à Verdun. » Voilà où j'en suis réduit. Où sont nos bonnes années de collège ? Le public comprenait que deux amis, occupant des degrés opposés de l'échelle sociale, venaient de se rencontrer par hasard. On jeta quelques sous dans la sébile du malheureux et l'on passa. Ce métier de mendiant est plus lucratif que celui de détective, me confia mon ami quand nous fûmes seuls. À l'avenir, j'aurai deux cordes à mon arc. Maintenant, « quittez-moi pour ne pas me faire remarquer par les culs de jatte, mes frères en martyrs, et n'oubliez pas votre obole malheureux en même temps que votre poignée de main à l'ancien ami qu'on ne renie pas. » J'obéis et continuai ma route. J'avais compris la tactique de Lautrec. Il était entré dans la peau de l'homme mystérieux qu'il recherchait. Il s'était déguisé en cul de jatte afin de tromper éventuellement les complices de l'inconnu.